السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous abordons aujourd'hui, comme annoncé, une tentative de traduction d'une conférence, ou plutôt de l'extrait d'une conférence intitulé Asbab al-Najat min al-Fitan, les causes du salut face aux troubles. Conférence donnée il y a plus de 15 ans par le Cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. C'est une conférence d'une grande valeur. Et mon choix s'est orienté vers cette conférence du fait de son importance, de l'importance du sujet, de la précision des conseils donnés par le Cheikh Ubayd, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, et du besoin qu'il y a à notre époque de rappeler ce genre de principes exposés par le noble Cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, le guérisse et allonge son existence dans son obéissance. Je vise également par cette traduction le fait de mettre en évidence que le discours de nos ulama est un discours unique qui ne change pas au fil des années, comme ce pourrait être le cas de certaines personnes aux orientations déviante, et cela met en évidence la fermeté de nos ulama ainsi que leur clairvoyance. Et c'est là un signe de véracité. L'imam al-Hassan al-Basri disait, comme cela a été mentionné par Ibn al-Jawzi dans son livre Adab al-Hassan al-Basri, que ce dernier a dit: celui qui à la fois le temps passe et le trouve jour après jour dans un même état avec une seule face et un seul et même conseil à donner, seul l'hypocrite change afin de profiter de tous et de tirer bénéfice de chacun. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos ulama. Pour en revenir donc à cette conférence du Cheikh, il la débuta en mentionnant le hadith de Hudayfa, recueilli par l'imam Muslim, hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: des troubles et épreuves se présenteront au cœur en se succédant à la manière de morceaux de roseau s'entrelaçant pour former une natte. C'est alors qu'un point noir apparaîtra sur les cœurs qui en seront imbibés, pendant qu'un point blanc apparaîtra sur les cœurs qui les rejetteront, à tel point que les cœurs seront de deux types, certains blancs et pareils à des roches lisses auxquelles aucun trouble ni épreuve ne nuiront, et ce tant que les cieux et la terre dureront, et d'autres noirs mêlés à un semblant de blanc et pareils à des peaux lorsqu'ils sont retournés, ne reconnaissant aucune forme de bien et ne condamnant aucune forme de mal, excepté ce qui serait en accord avec les penchants dont ils sont imbibés. Après avoir cité ce hadith, le Cheikh a souligné que ce hadith constitue un fondement de la sunna et contient une mise en garde claire contre les troubles. Il expliqua que ces périodes de troubles sont inévitables. Dans ce sens, Allah a dit: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. Allah n'est pas tel qui va laisser ceux qui ont la foi dans votre situation jusqu'à ce qu'ils fassent se distinguer les mauvais des bons. Surat Al-Imran, verset 179. En effet, Allah, de par sa sagesse et son savoir parfait, a décrété qu'allait vivre sur preuve celui qui doit vivre, et qu'allait périr sur preuve celui qui doit périr. Après cela, le Cheikh continuant, revenant sur le hadith de Hudhayfa, en disant qu'il contient deux points essentiels. Premièrement, le fait que ces troubles se présentent aux gens d'une manière incitant beaucoup de personnes à les accepter, du fait qu'ils sont embellis par les démons, qu'ils soient des djinns ou des humains, ou les deux. Toutes ces épreuves contiennent de nombreuses marques de sagesse venant d'Allah. Ces sagesses seront connues de ceux qui les connaissent et ignorées de ceux qui les ignorent. Dans les situations d'aisance, personne n'a l'occasion de se distinguer. Cette distinction se fait plutôt durant les épreuves. À ce niveau, seuls ceux à qui Allah a inspiré la droiture et à qui il a fait don de clairvoyance et de connaissance restent fermes. Dans ce genre de situation, observer le silence permet de préserver honneur et religion. Allah a dit: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Dès qu'une nouvelle rassurante ou alarmante leur parvient, ils la diffusent. Or, s'ils l'avaient renvoyé aux messagers et à ceux d'entre eux qui détiennent l'autorité, ceux qui parmi ces derniers sont en mesure de la concevoir correctement en auraient connu la réalité. Et n'eussent été les faveurs d'Allah et sa miséricorde, vous auriez suivi Satan, excepté un petit nombre parmi vous. Sourate An-Nisa, verset 83. Après avoir cité ce verset, le Cheikh fit allusion à la cause de sa révélation. Après quoi il continua en abordant le second point. Et vous vous rappelez que il avait dit que le hadith de Hudhayfa contient deux points essentiels. Et il en arrivait au second en disant: il résulte de ces troubles desquels Allah fait des épreuves et des tests que les gens se divisent en deux catégories. Ceux à qui Allah fait largesse de ses faveurs en les épargnant et les sauvant. C'est ainsi qu'il rejette ses troubles et les fuit. Deuxième catégorie, la catégorie de ceux qui se laissent entraîner par ces troubles. Allah subhanahu wa ta'ala récompense les premiers par le fait qu'aucun trouble de leur nuit. Allah a su d'eux qu'ils seraient saufs. Quant aux autres, ils sont en proie aux troubles, à l'image de peau retournée, ne reconnaissant aucune forme de bien et ne condamnant aucune forme de mal, excepté ce qui serait en accord avec les penchants dont ils sont imbibés. Cette catégorie est celle de ceux qui ont péri. Après cela, le cheikh continua en disant: la question que je voudrais leur poser, et dont je considère que la réponse contient le remède aux mots précédemment exposés, est la question suivante: comment doit agir le musulman face à ces troubles, afin qu'aucun trouble ne lui nuise par la suite? Ou en d'autres termes, quelle est la voie du salut que le musulman emprunte afin d'être à l'abri des troubles? Et cela nous mène donc au sujet de cette conférence, comme il nous a été annoncé. Quelle est la voie du salut que le musulman emprunte afin d'être à l'abri des troubles? Le cheikh de commencer à répondre en disant: d'après ce dont j'ai pu prendre connaissance des textes du législateur, c'est-à-dire des textes du Coran et de la Sunna, plusieurs principes me sont apparus et je voudrais vous les exposer, chers enfants, sachant que vous êtes des étudiants et toutes les louanges reviennent à Allah. Et vous cernez donc ce que nous cernons et connaissez parfaitement ce que nous visons. Après avoir dit cela, le Cheikh donna un certain nombre de recommandations. Et les premières de ces recommandations, je vais les résumer ici, afin d'arriver aux dernières recommandations et afin que l'on s'y penche ensemble. Donc après avoir abordé le sujet de la sorte, le cheikh recommanda vivement, premièrement, de fournir des efforts dans l'apprentissage du savoir. Deuxièmement, de rester fidèle aux ulama dont le scrupule religieux, la crainte pieuse, les profondes connaissances ainsi que la défense de la vérité et l'appel à la sunna sont attestés et indiscutable. Et vous vous souvenez certainement que nous avons abordé la semaine dernière, à travers la traduction de la conférence téléphonique du Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Batrali, intitulée « La bénédiction est avec vos aînés ». Vous vous souvenez que l'on a abordé ce point-là. Et ici donc nous retrouvons ce principe très important, le fait de rester fidèle aux ulama dans le scrupule religieux, la crainte pieuse, les profondes connaissances ainsi que la défense de la vérité et l'appel à la sunna sont attestés et indiscutables. Après avoir recommandé vivement ces deux points, le cheikh en aborda un troisième en exposant le danger des livres idéologiques tels que ceux de Sayyid et Muhammad Qutb ou encore ceux d'Al-Qaradawi. Après cela, il insista sur deux points d'une grande importance auxquels il convient d'accorder une attention toute particulière. Et c'est sur ces deux points que l'on va se pencher avec attention ce soir si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Et cela, en plus de nous remémorer certains principes que l'on a vus la semaine dernière, va nous permettre de rentrer un peu plus en détail dans certains aspects de ces différentes questions très importantes. Le cheikh donc continua en disant, le quatrième point, observez le silence et laissez les affaires à ceux qui excellent dans la manière de les traiter et qui ont fait leur preuve dans l'analyse des événements complexes ainsi que dans la résolution des problèmes du fait de ce qu'Allah leur a donné comme compréhension, expérience et faculté de gestion. Ce comportement nous est indiqué par, premièrement, le verset de la sourate An-Nisa. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Dès qu'une nouvelle rassurante ou alarmante leur parvient, ils la diffusent. Or s'ils l'avaient renvoyée aux messagers et à ceux d'entre eux qui détiennent l'autorité, ceux qui parmi ces derniers sont en mesure de la concevoir correctement en auraient connu la réalité. N'eussent été les faveurs d'Allah et sa miséricorde, vous auriez suivi Satan, excepté un petit nombre parmi vous. Deuxièmement, allusion est faite dans un hadith authentique contenant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les enfants d'Israël étaient dirigés par les prophètes. À chaque fois qu'un prophète mourait, un autre prophète lui succédait et il n'y a plus de prophète après moi. » Après avoir cité ce hadith, le cheikh Obeid continua en disant Allah a confié la direction de cette communauté aux ulama. D'ailleurs, des événements multiples sont apparus dans le passé, ou de manière plus récente, et l'expérience a prouvé que les gens de savoir, forts et érudits sont ceux qui dirigent la communauté. Ils sont plus à même de se prononcer et de porter des jugements sur les différents événements sensibles survenant nouvellement. Parmi ces derniers, un événement proche, les troubles du Golfe. Je vous rappelle, comme je l'ai dit au début, que cette conférence date d'il y a plus de 15 ans, ce qui explique donc le fait que le cheikh ait dit que parmi les derniers événements, les événements du Golfe, qui aujourd'hui sont des événements qui sont un peu plus lointains. Le cheikh continue en disant « Nos ulama avec à leur tête l'imam, le spécialiste du fiqh, l'analyste et suiveur scrupuleux des textes, le père et cheikh Abdelaziz ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi que ses frères parmi les gens de savoir, ont tenu leur discours en se basant sur des preuves issues des textes du législateur, c'est-à-dire issues des textes du Coran et de la Sunna. Suite à cela, certaines personnes se sont mis à crier au scandale ou à chercher à haranguer les foules, puis est apparu l'ensemble des louanges revenant à Allah, que la vérité était du côté du groupe de musulmans unis sur la vérité et non avec ces marginaux cherchant à dévier leur prochain. La légitimité de cette prise de position et notamment indiqué par le long hadith de Hudhayfa, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tu restes fidèle au groupe des musulmans unis sur la vérité et à leur imam. » Donc c'est là quelque chose de primordial sur lequel le cheikh ici a insisté, le fait de rester fidèle au groupe des musulmans unis sur la vérité et à leur imam. Après avoir abordé donc ce quatrième point, cette quatrième recommandation, le cheikh continue à son exposé relatif aux causes menant au salut face aux troubles, puis il en est arrivé au cinquième point, en disant, le cinquième point, lorsqu'un événement se produit, ou qu'une affaire sensible se présente, et que certains gens de savoir soutiennent un discours, alors que d'autres s'abstiennent de se prononcer, sans que l'on ne sache quel est leur avis, il est obligatoire à la jeunesse musulmane de ne pas s'empresser dans cette affaire, en sortant le couteau de la colère devant leurs frères. Il leur incombe plutôt de regarder ce que vont dire les pères, c'est-à-dire les camarades et frères de ceux qui se sont prononcés. En effet, il est inévitable que les dits pères et frères, pères ici P-A-I-R-S, que les dits pères et frères de ceux qui ont pris la parole soutiennent un discours, sans pour autant considérer qu'il soit opportun de l'exposer ouvertement de manière immédiate. Nous attendons donc. Et lorsqu'ils exposent ouvertement leur position, il est possible qu'ils expriment leur accord, et qu'ils s'accordent donc avec les premiers qui se sont prononcés, ou qu'ils expriment leur désaccord. Nous regardons. Donc ici, le Shir souligne que dans ce genre de situation, il convient de prendre du recul et d'attendre, de ne pas s'empresser et d'attendre avant de se prononcer. Ici, j'attire votre attention vers le fait que cela ne signifie pas que on fait comme si de rien n'était et qu'on considérait que personne n'en a parlé, comme certaines personnes peuvent le faire en soutenant un discours volontairement contraire au discours soutenu par des ulama qui auraient ouvertement pris position. Ce n'est pas cela qui est visé par le cheikh ici. Ce qu'il vise, c'est justement le fait de ne pas se prononcer et d'attendre, prenant du recul. En effet, il a dit, nous attendons donc, et lorsqu'ils exposent ouvertement leur position, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas encore prononcés, il est possible qu'ils expriment leur accord ou qu'ils expriment leur désaccord. Nous regardons. Donc pourquoi s'empresser? Le cheikh de poser la question, pourquoi s'empresser? Gardez le silence, car à l'occasion de nombreux événements, lorsque certaines personnes prennent la parole par ferveur et fermeté dans la défense et la proclamation de la vérité, elles provoquent la division des rangs salafis en empruntant cette voie. De même qu'elle les mène à se déchirer et à fuir les uns des autres. Donc si tu es du côté de tel savant ou de tel groupe de gens de savoir qui se sont prononcés à propos d'un événement donné, alors sache qu'il relève de l'intérêt général que tu ne sois pas un facteur de division entre tes frères. Il faut dire que l'actualité est chaude et qu'elle voit de nombreuses vagues s'entrechoquer, ainsi que des prédicateurs appelant au faux, pécher en nos troubles, et saisir la moindre occasion, même s'ils devaient pour cela s'accrocher au fil d'une araignée afin de semer la division dans les rangs salafis. Afin de leur couper la route, il convient que nous observions le silence et que nous regardions quelle sera la position finale adoptée par les gens de savoir, étant les pères, les camarades de ce groupe ou de cette personne qui s'est prononcée à propos d'un événement particulier. Cela est d'autant plus vrai s'il est connu de celui ou ceux qui se sont prononcés qu'ils luttent par la plume et par des paroles décisives dans la défense de la sunna et le combat de l'hérésie, ainsi que la réfutation des partisans de cette dernière. Le fait que tu ne te prononces pas contient donc le salut. Puis lorsqu'après cela, se prononcent les frères et camarades de celui qui a pris la parole en premier, l'affaire devient claire pour tous. Soulignons que ces derniers, c'est là un point important qu'aborde le cheikh, soulignons que ces derniers, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas encore prononcés et qui n'ont pas encore ouvertement et publiquement exposé leur position, soulignons que ces derniers ne parleront pas avant d'avoir eu recours à plusieurs procédés. Notons premièrement qu'ils ne sont pas, entre les mains de celui qui s'est prononcé en premier, des instruments qu'il manipulerait à sa guise, littéralement à gauche ou à droite. Au contraire, s'ils sont ses frères et pères, c'est qu'ils détiennent aptitude et habilitation pour analyser la question. Deuxièmement, deuxième point, lorsque ces derniers vont prendre connaissance de la position de celui ou ceux qui ont pris la parole et qui sont connus pour la véracité de leurs efforts ainsi que pour leur expérience, leur force et leur ferme résolution pour la cause de la sunna, il y aura à coup sûr des échanges et des discussions entre eux. À ce moment-là, il est possible que ce soit lui qui revienne d'une erreur qu'il considérait juste, c'est-à-dire celui qui s'est prononcé en premier, il est possible qu'après ces échanges et ces discussions avec ses frères et pères, parmi les gens de savoir, il est possible qu'il se rende compte qu'en fait il avait commis une erreur qu'il considérait juste et qu'il revienne donc de son erreur. Il est possible que ses camarades considèrent, en s'appuyant sur des preuves, qu'il s'est trompé ou qu'à l'inverse, ils le rejoignent dans son avis du fait qu'il va dans le sens des preuves. Quant à nous, si nous empruntons cette manière d'agir, c'est-à-dire le fait de ne pas s'empresser, de ne pas se prononcer d'emblée, de prendre du recul, d'agir de manière pondérée. Quant à nous, si nous empruntons cette manière d'agir, nous préservons la cohésion du rang salafi et nous coupons la route à ceux qui pêchent en nos troubles et cherchent par n'importe quel moyen à émietter le discours et à propager la division. Il est un certain nombre de choses qui surviennent entre les jeunes. Et il leur est obligatoire de renvoyer ce qui leur pose problème à leur cheikh dans la religiosité et l'intégrité de qui ils ont confiance et dont ils connaissent l'enracinement du savoir et témoignent de la loyauté. Qu'ils renvoient à eux leurs affaires en se défaisant de tout sentiment aveugle et de tout stupide esprit partisan. Que l'objectif de chacun soit la vérité. La chère donc de souligner cette chose-là. Que l'objectif de chacun soit la vérité. Et soyez attentif à ce qui suit. Que l'objectif de chacun soit la vérité. Mon collègue s'est trompé. Toutes les louanges reviennent à Allah. Il est revenu à la vérité. C'est moi qui me suis trompé. Je reviens à la vérité. Et l'ensemble des louanges revenant à Allah, il ne s'est rien passé. Et ici, cela me rappelle une parole prononcée dernièrement par le noble cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari, qui disait à propos du fait de revenir à la vérité après s'être trompé, il disait que c'est aussi simple que de boire une gorgée d'eau pour celui qui au préalable aura purifié son âme. C'est aussi simple que le fait de boire une gorgée d'eau pour celui qui au préalable aura purifié son âme. Et regardez comment aborde ici le cheikh Obeid cette chose-là, que l'objectif de chacun soit la vérité. Mon collègue s'est trompé, toutes les louanges reviennent à Allah, il est revenu à la vérité. C'est moi qui me suis trompé, je reviens à la vérité et l'ensemble des louanges revenant à Allah, il ne s'est rien passé. Et combien de fois avons-nous pu entendre le cheikh Obeid revenir ouvertement sur certaines positions ou sur certains avis qu'il soutenait en disant qu'il les considérait à présent erronés. Et ce, d'une manière humble et modeste, malgré son âge avancé et ses larges connaissances, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Revenons donc justement à ses propos. Il continue en disant, voici une partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a facilité comme discours à cette occasion, sachant que certains de nos enfants m'ont prise au dépourvu et que je ne m'étais pas préparé à ce rassemblement béni pour les membres duquel je demande à Allah la miséricorde ainsi que la protection après qu'ils se soient séparés, et qu'Allah couvre d'éloges et salue notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Et c'est sur cela donc que se termine cette tentative de traduction résumée de cette conférence bénéfique donnée par le Cheikh Obeid Al-Jabiri. Qu'Allah le préserve. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thank you.